lettre du zèbre, c'est la lettre Z, la dernière lettre de notre alphabet. V, W, X, X, Y et Z, chantons l'alphabet de A jusqu'à Z.